أخانا محفوظ وفقك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. Trois catégories de personnes, ils invoquent Allah Azza wa Jal et leur dua, bien que leur invocation ne soit pas acceptée, bien que leurs invocations ne soient pas acceptées. ومنهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. Et parmi ces personnes, il y avait un homme dont la femme était d'un très mauvais comportement et il l'a pas divorcé. تمام. هل في الحديث توجيه نبوي إلى مفارقة المرأة التي خلقها سيئة؟ Est-ce que dans ce hadith il y a une indication du prophète عليه الصلاة والسلام qui vise à dire ou qui appuie le fait de se séparer d'une femme qui a un mauvais comportement? عندك الجواب؟ لا. فكيف تفهم الحديث أنت؟ الله أعلم. شوف الآن، si là tu me dis ces deux sont pas acceptés, c'est grave. C'est-à-dire ces deux du moment qu'il est avec elle, c'est pas accepté. Donc là, on pourrait sous-entendre implicitement qu'il faut qu'il se sépare d'elle pour que ses invocations soient acceptées. Allez, Sakadarek. Ah, monsieur Akhuna Sayyid Hamad. Maoul, j'ai le jawab. Je répète la question. Je répète le hadith. Isma. Thalathatun yad'un Allah fala yustajab lahum. Trois catégories de personnes, ils invoquent Allah sans que leurs invocations ne soient acceptées. Parmi eux, rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyatul khuluq falam yutalliqha. Il y avait un homme qui avait une femme d'un mauvais comportement et lui il l'a pas divorcé. Comment tu comprends le hadith? Vaut mieux qu'il la divorce pour que ses deux soient acceptés. وانت يا اخانا الكريم الفاضل مشتبه. ها؟ Je dirais aussi pareil, la même chose. Son invocation ne va pas être. طيب. وانت يا مشتبه؟ انا استطيع ان اقول اولا لو حديث هل هذا الحديث يتقارن مع قول ما قول الله سبحانه وتعالى الذي قال فادعوني استجب لكم؟ وهذا عام من الله سبحانه وتعالى وقال في القران الكريم فادعوني استجب لكم. فالحديث اولا هل هو حديث صحيح؟ هذا هو السؤال الاولى. والسؤال الثاني ايوه هل اذا صحيح اولا اذا رجعنا الى كيف يعرفون الناس هل الحديث صحيح ام لا؟ سمعتم الذي يفهمون العربية فهمتم الكلام كلام جميل جدا ونحن نحب من جميع الإخوة إذا سمعوا شيئا أو حديثا غريبا يكونوا على هذا التوجيه أولا كما دين أخ مشتبه جزا الله خيرا. الله سبحانه وتعالى دي selon une traduction approximative ادعوني استجيب لكم. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc là, il dit, là on a un dalil clair, que celui qui invoque Allah Azza wa Jal, Allah il l'exauce. Pour qu'on sorte, pour qu'on quitte ce dalil clair là, pour un hadith, tout d'abord il faut voir que, est-ce que le hadith il est sahih ou là. Tamam. Et si le hadith il est sahih, faut voir qu'est-ce qui a été dit pour en fait pour lier le verset, le sens du verset avec le hadith. Tamam. Et ça c'est une réflexion qu'il faut avoir, Yéhouane. Parce que bon nombre d'entre nous, on peut comprendre des passages de la religion d'une mauvaise compréhension. Et en vérité, si ces passages-là de notre religion, on les comprend d'une mauvaise compréhension, on peut se faire du tort à nous-mêmes. On peut se faire du tort à nous-mêmes. Combien de frères, par exemple, ils ont lu ce hadith et ils ont compris que ben, fallait divorcer. Wa ma yudrik ma yata'allaq ba'd dhalik min umur wa ma shadda ba'd talaq. Et qui te dira qu'est-ce que ça ramène, qu'est-ce qui résulte des séparations entre l'homme et son épouse, surtout s'il y a des enfants. Non. Donc là, réflexion pertinente de notre frère Mujtaba. Huwa hada. Fal hadith ya ikhwan ma hukmu. Akhuna Abu Aisha. Ha? Maka. Le hadith là, il est sahih ou le معلومة أحسنت موسى حديث لي صحيح ولا لا الله أعلم عبد الملك حديث هذا صحيح ولا ضعيف من ضعفه كلا وظيفات هو صحيح أنه ضعيف. Certains savants l'ont rendu faible. Il est faible. Même si le cheikh qui a évoqué qui a écrit ce livre, il s'est fixé d'évoquer que des hadiths qui sont sahih ou hassan. Ça c'est wallahu ta'ala a'lam, le premier hadith qui est da'if qu'on trouve dans le livre. Tamam, c'est un hadith qui est da'if. Parmi les savants qui l'ont rendu faible, Cheikh Mokbel fi akhir hayatih. Naam, kama yulahab fi kitabihi mala kitab fi al-ilal. Naam. Wa kadhalik man Cheikh Al-Uthaymeen. Cheikh Al-Uthaymeen, lui directement dès que on lui a évoqué le nas du hadith, il te dit que le hadith il contredit des bases, comme le fait que l'homme patiente sur le mauvais comportement de son épouse. Ça c'est une base fiad din, on va le voir dans le hadith d'aujourd'hui inshallah. Qala babu husnul khuluq ou husnul khuluq az-zawja sababun li daf'i ash-sharr baynaha wa bayna zawjiha. Chapitre, le bon comportement de l'épouse est une cause qui repoussera le mal entre les deux époux. Le bon comportement de l'épouse est une cause qui repoussera le mal entre les deux époux. الحسنة لها دور في معاشرة في المعاشرة بين الزوجين. Les nobles comportements, que ce soit de l'homme ou de la femme, c'est une grande cause dans la cohabitation entre les deux époux. وأخونا حمزة عليه رحمة الله كان يقول المحبة بين الزوجين ثلاثة أيام فأقل أو أكثر. الذي يديم بين الزوج وزوجته رحمة من الله عز وجل. Il avait l'habitude de dire que l'amour entre l'homme et sa femme, c'est quelque chose qui dure 3 jours, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. لا يزاد على ذلك. Mais qu'est-ce qui fait que le couple il reste en accord et en état, si je puis dire, c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et cette miséricorde-là, Allah il a fait descendre bil asbab. Allah il a fait descendre dans le couple avec des asbab. Wa min a'zami al asbab al ibada. Idha kana bayna zawjayn ibada wa khuluq wa aqwal tayyiba. Shay yuridi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yudim al ushra, al ushra baynahum. S'il y a entre l'homme et son épouse des adorations, des bonnes paroles, des bons comportements, Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre sa miséricorde par laquelle il fait perdurer ce couple. Par laquelle il fait perdurer ce couple. Donc le bon comportement de l'épouse est vraiment une des grandes causes qui préserve du mal qui peut rentrer ou pénétrer à l'intérieur de ce couple. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Donc là, ça c'est un hadith de base. Normalement, ça c'est un hadith que toute personne mariée il doit avoir يعني في نصب عيني, il doit avoir ça devant les yeux. Le hadith il dit que le prophète alayhi salatu wasalam a dit que le croyant ne déteste pas la croyante. Que le croyant ne déteste pas la croyante s'il déteste en elle un caractère ou un comportement, il en agréera un autre. S'il déteste en elle un caractère, il en agréera un autre. Et en fait, ça, c'est un hadith qu'on pourrait mettre face au hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit « Ya ma'ashara al-nisa, tasaddaqna, fa inna kunna akthara hatabu jahannam, fa qila lima ya Rasulallah, qal takfurna al-ashir, wa tukthirna al-shakah. » On peut mettre ce hadith-là face au hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, il ordonne aux femmes de faire l'aumône, parce que ce sont les plus nombreuses dans le feu de l'enfer. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi au prophète d'Allah, il a répondu parce que vous multipliez les plaintes et parce que vous êtes ingrate envers le mari. Donc là, dans ce hadith qu'on a sous les yeux là, le prophète il veut nous enjoindre, il veut enjoindre les hommes à ne pas faire preuve d'ingratitude envers leurs épouses. Si on voit un caractère qui nous déplaît, il ne faut pas oublier les autres, comme certaines personnes ont l'habitude de dire, qu'il ne faut pas regarder le verre ou mépriser le verre qui est à moitié plein, parce qu'il n'est pas plein. Hein? À moitié vide. Ouais. Mais il faut se contenter de cette quantité d'eau qu'on trouve dans le verre. Par exemple, tu as soif, on ne t'a pas ramené un verre plein. On te l'a ramené à moitié vide ou à moitié plein. Tamam. Toi, tu ne dois pas regarder le fait que tu n'as pas la totalité de ce que tu voulais. Mais il faut que tu regardes qu'il y a quand même. Il y a quand même de l'eau dans le verre. Il y a quand même de quoi t'abreuver. Falmara, kazalik. Wahona, kalam. Jamil, jiddan, inshallah, on va la lire en entier. C'est une parole de l'imam Nawawi au sujet de ce hadith. Ainsi qu'on va prendre une parole de l'imam Sa'di. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في هذا الحديث نهى أو نهي. Déjà il faut comprendre que ce hadith là, le prophète sallam il dit لا يفرق. لا يفرق ça veut dire, et il te dit نعم لا يفرق مؤمن, c'est-à-dire il n'est pas permis à un croyant de détester une croyante. Ça, c'est une interdiction. Ça, c'est une interdiction. Donc, l'imam al-Nawawi, il te dit, ceci est une interdiction. C'est-à-dire, yambari an la yubridaha. C'est-à-dire qu'il convient que le croyant ne déteste pas la croyante. C'est-à-dire son épouse croyante. Liannahu in wajada fiha khuluqan yukrah. وجد فيها خلقا مرضيا Parce que s'il déteste en elle une caractéristique spécifique, il va trouver en elle aussi des caractéristiques qu'il aime. قال بأن تكون شرسة شرسة الخلق. Quel est par exemple, si elle a un comportement qui est dur, si elle a un comportement qui est dur, لكنها دينة, mais en même temps, elle est دينة, elle est ferme dans sa religion. C'est-à-dire, elle a un comportement qui est dur avec son mari, mais en même temps, elle est dure dans sa religion. Qu'est-ce qu'on va regarder hier, quoi? Qu'est-ce qui va prévaloir? Le fait que elle soit ferme dans sa religion. Faut pas juste regarder le fait que elle ait un comportement qui est dur avec le mari. Ça va? Mais le fait qu'elle soit ferme dans sa religion, c'est une bonne chose qu'il faut avoir devant les yeux. Donc il dit لَكِنَّهَا دَيِّنَ أَوْ جَمِيلَ أَوْ جَمِيلَ. Pareil, le fait qu'elle soit belle, le fait qu'elle soit belle, c'est un avantage. C'est un bienfait. Même le prophète, alayhi salam, lorsqu'il parle de la femme pieuse, il te dit, c'est celle qui, lorsque tu la regardes, elle te plaît. C'est-à-dire, elle est belle à tes yeux. Non. Ça, c'est aussi une chose à ne pas négliger. Ou le fait qu'elle soit chaste. Le fait qu'elle soit chaste, qu'elle ne te trompe pas. Fabarde l'ikhwan, yani, nata'adjab. بعد الإخوان وهذا صراحة سأغيب à tout le monde سأغيب à tout le monde sauf à celui qui prend ce genre de durus. Enfin, c'est pour ça c'est très important d'apprendre surtout les messages de les points qui concernent le mariage avant de rentrer dans le mariage afin de pas tomber dans certaines erreurs. أخون مثلا, je vous donne un exemple à سبيل المثال. طيب اخ كان معنا في اليمن طالب العلم تزوج il s'est marié avec une femme. نعم. Et un jour il m'a appelé pour que je tranche dans leur litige. طيب فاتينا فاذا بالشخص غضبان. لما يا اخي قال لان المراه ما تعتني بالنظافه. Donc lui il était énervé, pourquoi? Parce que il constate que sa femme ne fait pas d'efforts dans la propreté de la maison. Ça va? وفي نفس الوقت يقول وجدت j'ai trouvé une serviette hygiénique sur mon lavabo. فغضبت وطلقت. فهمت؟ فبلا شك ان هذا ما ينبغي وان هذا ربما يسبب ضيق الصدر بلا شك. لكن في نفس الوقت نسي أنها تحفظ القرآن كاملا وأنها ربما تحفظ أحاديث أخر كثر وأنها مهاجرة وأنها طالبة وأنها على ثبات تام في دينها. نسي كل هذه الأشياء وطلق بسبب هذا. فهمتم؟ فهذا غلط. هذا غلط. C'est pour ça que ce genre de hadith, ils sont très importants à connaître et surtout à mettre en pratique. Tamam. قال العلامة السعدي قال وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته ومن أكبر الأسباب ورب الكعبة. Ça, c'est vraiment l'un des plus grandes causes que l'homme il reste avec son épouse Ba'd après la miséricorde d'Allah Azzawajal. Le fait que lorsqu'il voit un mal d'elle, il se rappelle qu'elle a beaucoup de traits. Surtout là, à notre époque, surtout à notre époque, lorsqu'on voit que la plupart des femmes, sur 100 femmes, il y en a même pas une dizaine qui sont, même pas, on va dire même, s'il y en a une sur 100 qui s'accroche à son dîne, c'est azim. On est dans une époque de fitna. Fitna azim. Wa uri. A'oudu billah. On est dans une période de libertinage incroyable. A'oudu billah. Men. On cherche refuge auprès de cela. Lorsque nous, on se trouve dans cette époque-là et qu'on voit que, alhamdulillah, on trouve dans les épouses qu'elles aiment le ilm, qu'elles aiment le fait de rester à la maison, qu'elles aiment le fait de se couvrir, qu'elles aiment le fait de ne pas parler avec des hommes étrangers, qu'elles aiment le fait de respecter, d'accorder le droit du mari. Fakullu hadha, la budda naj'alhu fil hizban. Al mar'a khuliqat ala 'iwaj. Khuliqat ala 'iwaj. Alladhi yurid an yantafi' min zawjatihi, la budda lahu min sabr. La femme, elle a été créée tordue. Le prophète, il nous dit ça pour nous dire que celui qui veut profiter des bienfaits du mariage, il est obligé de patienter sur son épouse. Il est obligé de patienter sur son épouse sur certaines choses qu'elle pourra commettre ou certaines caractéristiques de sa personne. Non. Donc là, l'imam Saadi, il te dit que c'est l'une des plus grandes causes qui préserve le couple. قال من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بين يعني بالمعروف. فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته. Donc là, dans ce hadith là, il y a une interdiction du prophète عليه الصلاة والسلام. C'est une interdiction subtile qui vise à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit aux croyants qu'il fasse vivre à sa femme une mauvaise cohabitation. Une mauvaise cohabitation. Parce que celui qui retient tous les méfaits, qui ne laisse aucun méfait de sa femme passer, en vérité, il va lui faire vivre un calvaire. Ce ne sera plus une vie conjugale. Ce sera une vie militaire. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ashiruhunna bil ma'ruf. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de vivre avec nos épouses d'une bonne manière. Ensuite, il évoque l'imam Sa'di, wa an-nas fi hadha thalathatu aqsam. Les gens sur le sujet se divisent en trois. أعلاهم من لاحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وغض عن المساوي بالكلية وتناساها. Le plus haut degré, c'est celui qui a remarqué les nobles caractères de son épouse. C'est celui qui a remarqué les nobles caractères de son épouse ainsi que ses nombreux mérites. Et qui a fermé les yeux, d'une manière totale sur certains de ses défauts. Lui, c'est celui qui a atteint le plus haut degré, selon la parole de l'imam Sa'di. ثم قال وأقلهم توفيقا وإيمانا وأخلاقا جميلة من عكسه. Et celui qui a le plus bas degré celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le moins de réussite et le moins de foi ainsi que le moins de comportement noble, c'est celui qui fait le contraire. Lui, il oublie tous les mérites de son épouse. Tous les mérites de son épouse, il les oublie. Et il ne retient que les mauvaises choses. Et c'est pour ça, Yahuanana Akullakum, toute personne qui a un jour ou l'autre, et ça arrive à tout le monde, si ça arrive au prophète, ça ne va pas arriver, ça ne va pas échapper à d'autres que nous. Toute personne qui a un problème de couple, qu'il fasse attention à qui il se confie. Qu'il fasse. Des fois, tu peux même te confier à quelqu'un, tu le vois sage. Tu le vois sage. Mais Rubamay, soit parce qu'il oublie ce genre de hadith, ou soit parce qu'il oublie que le bienfait dans la réconciliation, il est énorme. Mais tu vas trouver que peut-être il va t'enjoliver ton regard. Si par exemple tu viens, tu critiques ton épouse, au lieu de te dire mais non, elle a ça et ça et ça comme qualité, il va dire ah na'am, hada kabir, oh là là, hada la ihtaj firqa, ihtaj kada. Fahmt? Et بعض الاخوة qui n'ont pas la réussite qui vient d'Allah Azza wa Jal, ils écoutent ces mauvais conseillers d'un temps, même si ces conseillers, c'est des gens qui sont de religion ou quoi, en les écoutant, les voilà qu'ils descendent un jugement sur leur épouse qui n'est pas le bon. C'est pourquoi, en vérité, Yahya, quand on entend un problème de couple, on se doit, ça fait partie de la justice, de toujours essayer de ne pas diaboliser l'un des deux, mais de voir que quand même il y a du din, quand même il y a des salawat, quand même il y a pour certaines il y a le hijab, le sitar, il y a le hijra, il y a le talab al-ilm, il y a fiha khair, et on se doit de privilégier ces mérites là et d'avancer cela. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention, Yahwan, dans les problèmes de couple, à qui tu te confies. Et et il faut s'efforcer, quand on a un problème, on entend un problème entre un couple, d'être musleh, de faire preuve de sagesse afin de réconcilier. Le fait que Shaitan, il rapproche de lui l'un de ses soldats lorsqu'il arrive à diviser entre l'homme et sa femme. Et je crois qu'on n'a pas encore compris le bienfait du mariage. Si Shaitan se réjouit à ce point-là d'une personne qui a séparé entre l'homme et sa femme. Que la personne fasse la fornication, que la personne tombe dans le vol, que la personne tombe dans le meurtre. Ça, Shaitan, ça le réjouit pas plus que ça. Mais lorsqu'on sépare entre l'homme et sa femme, alors là, il s'en réjouit d'une réjouissance agile. Et Ikhwan, Ba'duna, c'est avec la femme qui sont devenues fermes dans leur religion. Si elle n'était pas là, Rubbama raja'u al-qahaqara. Il serait peut-être revenu en arrière. Non. Falihada, l'insan la yambari lahu an yatanasa fadlaha. Wala tansou al-fadla baynakum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et n'oubliez pas les mérites. Les mérites, les bienfaits qu'il y a entre vous, c'est-à-dire entre l'homme et son épouse. Donc l'imam Sa'di, il te dit que le pire en degré, c'est celui qui a inversé. C'est-à-dire, فَأَهْدَرَ الْمَحَاسِنِ مَهْمَا كَانَتْ وَجَعَلَ الْمَسَاوِي نَصْبَ عَيْنَيْهِ. Il a complètement oublié les mérites de son épouse. Et il a fait tout, il a mis tous les défauts de son épouse devant ses yeux. نعم وتأويلات تجعل القليل كثير نعم وقال وربما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيرا. كلام جميل جدا. Le cheikh te dit, il se peut que avec ce mauvais comportement de cette personne là il rajoute des interprétations à certaines paroles qu'elle va lui dire ou à certaines œuvres qu'elle va faire, et des mauvaises pensées qui vont rajouter en gros de l'huile sur le feu. Tamam? Wa fi'lan hadha khatir jiddan ya ikhwan. Ça c'est vraiment un très gros défaut. Na'am. Ala kulli hal, c'est une parole de l'imam Sa'di, un kalam jamil. Qala wal qism al-thalith man lahadha al-amrayn. Et la troisième catégorie, c'est celui qui a observé les deux. Il a observé ses mérites et il a observé aussi ses défauts. Wa wazana baynahuma. et il a pesé le pour et le contre. Tamam. وَعَامَلَ زَوْجَهُ وَعَامَلَ زَوْجَهُ بِمُقْتَضَى كُلِّ وَاحِدٍ وَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا. Et il s'est comporté avec son épouse en fonction de ses mérites et de ses défauts. Tamam. Donc Cheikh l'imam Saadi te dit وَهَذَا مُنْصِف. Lui, on le considère comme étant Monsif. Monsif, c'est-à-dire, lui, il est juste. Tamam. Est-ce qu'il est meilleur que le premier, Juan? Hein? Il n'est pas meilleur que le premier. Mais il est juste. Il est juste. Mais le mieux, c'est celui, les défauts, il les met de côté direct. Il voit ses défauts, khalas. Bon, là, ça, mais khalas. Comme la parole qu'on a vue de Omar ibn Khattab. La parole de Omar ibn Khattab, lorsqu'il dit, Mada, lorsqu'il dit... pour justifier que sa femme lui crie dessus, lui a crié dessus, il dit elle me fait à manger, elle lave mes vêtements, elle fait ceci et cela alors qu'elle n'est pas obligée. Al hadith ya akhana mujtabah, hal hadha thabata an Umar? Thabata an Umar? Ha? Kama qara'na na'am annahu qala dhalika kama ja'a as-sahabi wa sa'alahu kan yashtaki 'alayhi. إذا ما وصل هنا حاضر عن زوجته يصارخ عليه. أي نعم. فخرج وتعجب. قال أنت يا أمة. قال أمة لم نحتمل عليهم هذا. أي نعم. جميل. يفعلون هذا وهذا لنا. جميل. فنعطيك فائدة أن الحديث ضعيف. حديث عن عمر لم يثبت ولم يوجد أصلا. ما هناك حديث عن عمر أو يذكر هذه القصة بسند فهي من القصص التي ذكر لكن ليس لها وجه في ثبوت حتى بعض العلماء قد أنكروها قالوا كيف عمر كان مهابا جدا عند الداني والقاسي حتى عند أزواجه فكيف المرأة ترفع صوتها فوقه حتى يسمع صوتها في الخارج نعم. لكن نحن هنا évoqué la parole de Omar même si le hadith n'est pas sahih juste pour dire que le sens du hadith il va dans ce genre d'information. Tamam. Face à un hadith adim ya ikhwan. Et avec ça, on aura terminé inchallah s'il y a des questions, on va les prendre durant le temps qui reste. Wa jazakumullahu khairan.